On va parler des Jeux du Québec qui commencent vendredi à Alma. On a parlé maintenant avec Marc-André Gagnon de l'équipe de hockey qui va nous représenter au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Là, maintenant, on va parler de patinage de vitesse, puisqu'hier, Stéphanie Martin nous a dit, encore une fois, la région va être très forte. Et qui de mieux placé pour nous parler à quoi s'attendre? Ben, on parle avec notre collaborateur David Simard. Salut, David! Bonjour. David, on est à quoi, 48 heures de la cérémonie d'ouverture. À quoi s'attendre de l'équipe? Hier, Stéphanie Martin m'a dit que les attentes pouvaient être assez hautes pour le patinage de vitesse. Est-ce que c'est effectivement le cas? Oui, ben dans plusieurs catégories, on s'attend à avoir des bons résultats, autant au niveau masculin que féminin. On a parmi des meilleurs patineurs dans chaque catégorie, dans au moins quatre catégories à cinq. Je peux nommer exemple, on a Émilien Blackburn qui est parmi un des premiers au Québec au classement général sur le circuit de compétition, que lui, on peut penser qu'il va récolter sûrement des médailles. On a aussi du côté féminin, on a deux filles, Victoria Garraud qui est première au Québec aussi de sa catégorie. Et Marie James, elle, une fille de l'Abbé qui est une des meilleures aussi. Marie James Hulbert qui est une des meilleures de sa catégorie, qui est dans les meilleures de sa catégorie. Donc un top 5 pour elle. Donc on ose espérer qu'il y ait des bons résultats. Je pense que on va avoir une des meilleures équipes de relais au niveau masculin qu'on a jamais eu. Côté féminin, on devrait être aussi parmi les meilleurs parce qu'on a quand même deux grosses filles dans cet alignement-là. Sauf que c'est une première expérience pour eux autres à ce niveau-là. Puis on a des demi-finales cette année à comparer aux autres années parce qu'on a des équipes pleines dans toutes les régions. Donc là, ça hausse un peu le niveau de compétition. Fait que vraiment avoir des bons niveaux. On a un Justin de Dalma qui va faire un peu le message aux athlètes lors de l'ouverture des Jeux du Québec. Justin est un des meilleurs au Québec dans ses catégories. Il a déjà beaucoup d'expérience du Québec. Il l'a fait deux fois au patinage de vitesse, une fois en soccer et une fois en athlétisme aussi. Donc, il a beaucoup d'expérience. Puis, sur la pression, c'est un bon patineur. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. C'est un ancien gars aussi de structure du hockey 2A là, à Alma, donc 3 à Alma. Fait que j'ai hâte de voir ce que ça va donner. C'est un gars assez compétitif. Fait que ça, c'est un de nos gros éléments aussi. OK. Est-ce que dans l'ensemble, c'est quoi ça qu'on va être fort sur le 400 mètres, le 1000 mètres, le 1500 mètres? Je dirais que nos patineurs sont complets vraiment dans toutes les distances. OK. Autant le petit gars de Saint-Félicien qui est quand même dans un top 5 dans sa catégorie, qui peut, on ne sait pas ce qui pourrait arriver, que nos meilleurs que j'ai nommés tantôt. C'est des gars qui sont autant sprinteurs que longue distance. Victoria Garraud, elle devrait peut-être plus dominer au niveau des longues. Marie James, une fille assez constante au niveau 400 mètres, 500 mètres, 1000 mètres. Donc, on devrait être assez. On va avoir assez une bonne échelle. On a peut-être assez performant dans toutes les distances d'après moi. Fait que c'est une des bonnes équipes qu'on a eues dans le passé. OK. J'ai hâte de voir. OK. Est-ce que c'est des compétiteurs, c'est pas mal les mêmes qu'on voit dans les compétitions qui vont se. C'est du monde qui vont se rencontrer régulièrement. OK. Puis les plus jeunes, souvent, nous autres, on a trois secteurs de au niveau interrégional qu'on appelle. Donc c'est le premier circuit provincial. Ouais. La plupart des patineurs se situent là. Eux autres, on les rencontre une fois par année environ à la fin de l'année au championnat québécois. Mais les patineurs se connaissent en fonction des temps versus on est capable de classer en fonction des temps, en fonction des pointages qu'on fait durant l'année dans chaque secteur. On sait qui domine dans un secteur, qui a eu l'année passée, qui était la même force de telle personne. Fait qu'on est capable d'évaluer un peu là, notre équipe à partir de là. OK. Donc, à quel moment qu'on pourrait s'attendre à des médailles du côté des premières médailles? Moi, je pense que déjà samedi, on devrait avoir des médailles. OK. On va déjà se cumuler. Sûr, j'aime pas ça mettre de la pression sur les médailles. Oui, c'est sûr. Moi, on va avoir au moins une à deux médailles par jour, là, juste au patinage de vitesse. OK. Donc, la région figure encore une fois de bonne réputation. Tu vois la relève. C'est sûr que tu peux pas juger de ça. Moi, je me rappelle de Catherine Mailloux, il y a 4 ans, à Chicoutimi, qui avait été la grande vedette. Puis depuis ce temps-là, Catherine, quand même, un peu plus de misère. Donc, est-ce que, on ne peut pas juger pour l'avenir, sauf que c'est quand même le fun pareil, là, à plus petite échelle que la région, encore une fois. Oui? sauf nos jeunes sont mieux développés, je te dirais. Oui, dans le temps, Catherine Mailloux, puisque Catherine avait tout à gagner, quand elle est arrivée dans une sorte de compétition, elle a trouvé ça difficile pour elle. Et nos patineurs sont, de nos jours, on a une sorte de compétition plus fort, mieux structurée. Donc, on est capable d'avoir, d'évaluer un peu plus les performances à long terme à partir de là. On a des meilleurs systèmes un peu, des meilleurs entraînements. Je pense que l'encadrement est meilleur aussi. Tu vois une différence d'année en année? Tu vois une bonne différence? Moi, je vois une grosse différence, puis j'ai rien enlevé à Catherine Mailloux, sauf qu'on voyait déjà des lacunes avec elle qu'il fallait qu'elle change, que là, elle a décidé de changer depuis 2-3 ans, mais c'était au niveau technique de juste comme ouais. Ça. Moi, je pense qu'on est capable de voir quand même un certain point, le développement au niveau des jeunes qui sont rendus. Catherine a performé déjà jeune, les gars, les patineurs qui sont là sont déjà au centre avec nous autres pour l'encadrement, soit invités, soit qui viennent une fois de temps en temps, soit qui sont 100% avec nous autres, donc on est capable d'avoir un MS, lui, intégrer la structure progressivement, plus facile d'adaptation. Moi, la plupart des patineurs qui sont au Saguenay sont en programme sport et sud, on est capable de bien les encadrer à ce niveau-là. Il y a un bon circuit autour d'eux autres avec des intervenants qui peuvent avoir ça au niveau de la santé qu'au niveau du sport. Donc, je pense qu'on est capable d'avoir des bonnes performances, des évaluer aussi à long terme. OK. Pendant que je t'ai, David, parle-moi de ce qui s'est passé en fin de semaine. Il y avait une compétition, je pense, hein? En fin de semaine, oui, il y avait une compétition provinciale. C'est un peu la provinciale 4 de l'année. OK. Plusieurs patineurs qui étaient là, sauf que les meilleurs, exemple, Mélina, tout ça, étaient partis à l'extérieur en voyage scolaire. Donc, chez les côtés de compétition, on les enlevait moins. OK. Côté de Tolbeau, on n'avait pas de représentants. Sauf qu'on avait le reste, au niveau Saint-Lac-Saint-Jean, on avait plusieurs. On a eu des très bonnes performances. Pour moi, c'est pas une compétition qui était si importante que ça. Okay. On peut pas se carrer, comme on pourrait dire, dans toutes les compétitions. Ben non. Pour moi, je me concentre plus dans les compétitions de fin de saison et les Jeux du Québec, parce que la plupart allaient là aussi, les meilleurs patineurs qui étaient là. Fait que, je voulais vraiment les préparer pour en fin de semaine, puis pour les dernières semaines. Dans les deux prochaines semaines, on a plus de compétitions. Même moi, en fin de semaine, je suis à une élite en fin de semaine à Montréal. Plusieurs patineurs du lac, dont Flavie va être là avec Marianne. Flavie La Rocherois, ça? Ouais, Flavie, Maud, Carina, là, on est dans ces coins-là. C'est leur dernière compétition de l'année. C'est une compétition préparatoire des championnats à la fin de saison. Moi, ça me donnait une bonne indication pour finir après ça, les deux dernières semaines après ça, avant les gros championnats. Fait que c'était un peu ça qu'on s'oriente pour. T'as-tu peut-être travaillé? Oui, j'ai le temps de travailler quand même. OK, c'est parce que... C'est un peu dans mon domaine. Moi, je suis un kinésiologue à la base au niveau des programmes sport et études. Je suis préparateur physique. Fait que, OK. Pour moi, c'est un peu en lien. Fait que, oui, on essaie de je suis coach au patin, mais j'essaie de coïncider tout mon travail à travers. OK. J'ai un bon employeur. Ben oui, c'est sûr que si ça va ensemble, quelque part, c'est quand même intéressant. Ben David, c'est quoi? C'est en fin de semaine, la compétition de mots d'institut? On pourrait s'en reparler peut-être... Dimanche soir, puis je vais aller voir aussi la finale des Jeux du Québec, sûrement lundi aussi, là, pour les relais, puis le 400 mètres. OK, donc on va s'en reparler, quoi, la semaine prochaine pour analyser tout ça. Parfait, merci. Notre collaborateur de patinage de vitesse, un de nos collaborateurs, parce qu'on en a deux, c'est David Simard. Parfait.